feuilles de ta bonté. Je fais des heures super, à peine si j'arrive à nager. Les orgasmes oubliés, contrairement des peuplés. J'ai des heures super oubliées, j'ai des heures super dépeuplées. De ta bonté, à peine si j'arrive à nager, et les orgasmes, contrairement, oubliés, dépeuplés, et les heures super, c'est de ta bonté, c'est des heures super. Si j'arrive à nager, oublie les peuples, les orgasmes. Je fais des heures sup oubliées. Je fais des heures sup des peuples, les orgasmes. Seuil de ta bonté, t'es peuplé. Contrairement si j'arrive à nager.